Donc, je voulais lancer cette table ronde en remerciant Sylvie Guillermin et Déborah Salmire d'avoir accepté l'invitation du laboratoire à participer à ce séminaire Marché en ville. Donc, Sylvie Guillermin est chorégraphe iséroise. Déborah Salmire est assistante chorégraphe dans la compagnie Guillermin. Et la thématique de cette table ronde est de se poser la question du regard du chorégraphe sur la question de la marche en ville. Alors, pour ceux et celles qui n'étaient pas présents hier, en fait, cette table ronde a été préparée hier soir par un atelier qui a été animé par Sylvie Guillermin en centre-ville sur la question de la marche. Donc, nous étions une petite quinzaine de personnes. Nous sommes retrouvés en bas du musée de peinture, et puis nous avons travaillé pendant 2 heures avec Sylvie Guillermin sur cette question de la marche en ville et de ce qu'elle peut nous dire à la fois du rapport à l'environnement et cette dimension sensible et corporelle de la marche en ville. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sylvie Guillermin. La table ronde sera ponctuée d'extraits de cet atelier et d'extraits de chorégraphies issues des travaux de Sylvie Guillermin. Et puis, nous avons deux témoins privilégiés qui ont participé hier à l'atelier, qui sont Olivia Germont et Damien Masson, qui ponctueront cette table ronde de compte rendu de l'expérience d'hier soir. Voilà, donc merci encore et je laisse la place au débat. Bonjour à tous. Donc, voilà, je reprends. J'ai trouvé complètement par hasard, parce que j'adore la poésie, un écrit très court, vous allez voir, de Ludovic Janvier. Je ne sais pas si vous connaissez, il est poète, et donc il est né en 1934, donc il a 86 ans à peu près. 67, pardon. Et 34, il dit. Ouais. Donc, peu importe. Il écrit à partir de la marche, en fait. Voilà. Marche des marches sont en fait concrètement à la base du travail de Ludovic Janvier. Le rythme de la marche, sa manière singulière, imprévisible, de progresser, ralentir, lambiner, s'emballer, foncer droit, zigzaguer, faire une pause, lui est essentielle. Et donc il écrit « Je n'écris pas seulement de la main, mon pied aussi veut toujours faire le scribe. Ferme, libre et vaillant, il se met à courir, tantôt à travers champs, tantôt sur le papier. » Et je trouvais que, c'était intéressant de démarrer par ces quelques mots de M. Janvier, dans le sens où, pour nous, danseuses, c'est vrai que la marche, c'est la base du mouvement. En quelque sorte, c'est vraiment la mise en route du corps dans l'espace. Hein. Pendant ce temps-là que nous allons passer ensemble, on va s'appuyer dans un premier temps, effectivement, sur l'atelier que nous avons vécu hier devant le musée, et puis après sur différents extraits de pièces que j'ai faites en grand partenariat avec Déborah, qui est assistante dans la compagnie, sur 3 pièces qui ont effectivement, dont le travail sur l'espace est très très important, et dans ces espaces aussi, les espaces dans les espaces. J'ai beaucoup travaillé autour de ça. Et notamment sur le premier spectacle que j'ai pu faire, qui était donc un solo sur une perche verticale de 4 mètres, qui s'appelle Tête en l'air, et qui était donc se retrouver, pour une danseuse, se retrouver sur un espace vertical, finalement, un espace extrêmement restreint, a été vraiment une recherche très longue, mais très intéressante, qui ensuite a fait que j'ai cherché sur d'autres manières d'être dans l'espace, comment les corps peuvent bouger dans des espaces différents. Et ensuite, comment créer des espaces sur un grand plateau, sur un large plateau, et que ces espaces bougent ensuite. Voilà. On va démarrer sur l'atelier, j'espère que ça va marcher. Donc hier, on a travaillé dans un premier temps sur le fait d'être en cercle, après s'être un petit peu chauffé, parce que je ne cache pas qu'il faisait carrément très froid. Et au moment de ce cercle, on a travaillé sur une petite phrase où on faisait des choses frottées comme ça, sur les bras, sur les jambes, un petit saut. Et cette phrase, on devait, effectivement, on a tous la reproduire, la mémoriser. Et on l'a faite, j'ai demandé au groupe de faire un cercle dans un espace qui était assez large, qui était entre la statue de Calder et la pelouse. Ce que j'ai noté, c'est que le groupe avait beaucoup de mal à centrer son cercle. Et ensuite, donc on était dans une relation intimiste, puisqu'on s'est refermé sur nous-mêmes. Et donc, quelque part, en faisant ce travail-là, pour moi, on a complètement... Enfin, quelque part, on a oublié l'extérieur. Donc, il y avait les bruits des voitures qui passaient à côté, les lumières, des passants. Donc, on a créé une espèce d'intimité comme ça à l'intérieur d'un espace qui est immense, qui est celui de la ville, du monde, hein, si on peut dire. Et puis après, quand tout le monde a pu retenir cette petite phrase très simple, ce que j'ai demandé à une personne, c'est de se retourner. Ils étaient tous dos à dos en gardant l'idée du cercle. Et c'est peut-être là où je te demanderai de parler de ce qui a été ressenti, parce que pour moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, de savoir ce que vous avez ressenti, parce que du coup, on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tout à coup, on s'ouvre à l'extérieur et que même en gardant l'idée du cercle, on ne ressent plus forcément ce qui se passe sur les côtés, ce qui se passe à l'arrière avec le groupe. Est-ce qu'il y a une personne du groupe qui était présente là qui veut bien donner son expérience? Bonjour. Donc, moi personnellement, je me suis sentie un petit peu mal à l'aise quand j'étais à l'extérieur, dans le sens où j'avais l'impression de me laver. Enfin, la phrase, ça me faisait penser à ça. Et le fait d'être à l'intérieur du groupe, on se dit, ah, c'est bon, on est entre nous et tout. Et là, on est à l'extérieur, on est exposé aux autres et on doit faire ça. On a l'air un peu débile, en plus, il y avait un moment, un quart qui passait avec des enfants dedans, ils rigolaient comme des malades, ils demandaient, mais c'est quoi, c'est fou. Et c'est vrai que je pensais aux autres qui étaient à côté de moi, je suis bon, je suis pas toute seule quand même, il y a les autres, mais c'est vrai que on a vraiment la chance de s'exprimer. C'est une première impression normale, parce qu'on a la webcam qui est là, et puis on se dit, oh là là, tout le monde me regarde, voilà, c'est l'image qu'on peut avoir de soi-même en train de bouger, effectivement. Mais après, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des sensations en lien avec ce contraste entre le fait d'être dans l'intimité du groupe et ensuite tout à coup lâcher, enfin c'est en lien avec ce que tu dis de toute façon, voilà, lâcher à l'extérieur comme ça, et de, ouais, tout à coup on se sent perdu, complètement perdu, le regard des autres et Mais le fait de le faire trois fois, après on rentre dans le jeu en fait quand même. Donc après on va au-delà du regard des autres, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir en fait que ce sont les autres qui vont nous renvoyer qu'est-ce qu'on est en train de faire finalement, parce qu'on ne s'en rend pas compte forcément, même plein de choses quotidiennes, et ce sont vraiment le regard des autres qui nous interpellent en disant, ah, peut-être que je fais un truc bizarre en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, moi je trouve, parce que j'ai vu les passants, j'étais côté rue. En fait, ce qui est intéressant aussi pour moi qui étais à l'extérieur, c'est que je me rendais compte que chaque personne du cercle avait donc une image différente de la ville. Il y avait quelqu'un qui était complètement face à la statue de Calder, qui est toute en angle comme ça et noire, et qui presque l'enfermait à l'intérieur de cette sculpture. D'autres étaient plutôt sur la rue, d'autres face au musée, d'autres à la pelouse. Donc chacun avait de fait une image différente de la ville, mais leur point commun, c'est qu'ils faisaient tous un même gestuel. Et qu'ils avaient créé une intimité au départ entre eux, qui quelque part est encore là. Oui, je peux donner mon impression. Donc, alors moi, je ne me trouvais pas, en particulier quand on était sur l'extérieur, du point de vue sensoriel. D'une part, on avait fait quelques figures, quelques travaux d'espace circulaire. Donc déjà, on avait une certaine mémoire de ce qui s'était passé avant quand on était centré. Et quand on était excentré, assez vite, dès les premières secondes, il y avait des liens sensoriels avec le reste du groupe. Le premier, c'était quand même dans le champ visuel latéral, c'est voir les gestes de ceux d'à côté, qui permettaient d'ailleurs des synchronisations proche en proche, parce qu'on était à peu près toujours sur la même phrase. Et puis deuxièmement, il y avait des éléments sonores. On entendait assez loin les frottements, les sauts. Donc il y avait une synchronisation rythmique à la fin de la phrase qui était ponctuée par le saut. Et donc justement, ça montre que l'excentration visuelle n'est pas l'excentration des autres sens. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai eu une autre impression. J'étais face à... Face à la Bastille, pardon. Et j'avais l'impression, quand on était... quand on se regardait dans le groupe, de voir la totalité des quatre parties de l'espace qui nous entourait, en plus de voir le groupe, une fois que j'ai été tournée, j'avais l'impression de ne voir qu'une séquence. Et entre autres, lorsqu'on avait ces mouvements de balancier là, avec les mains, j'avais le visage qui partait toujours du même côté, et j'avais la Bastille et mon visage qui se tournait sur le mot ouvert, qui est collé en rose et noir sur la vitre du 5. Et alors ça résonnait avec la Bastille, comme si la Bastille était ouverte et quelque part accessible. Par contre, tout l'autre côté de l'espace, c'est-à-dire la rue, sur laquelle passe le tram, la statue de Calder, et puis les bâtiments de l'autre côté, je ne les voyais plus. Je voyais qu'un morceau du cercle, finalement, qu'un morceau de l'espace. Je trouvais qu'il avait une phrase très intéressante qui dit la première femme par rapport au regard envoyé par le public, si on peut dire le public. Et justement, on parle aussi des mouvements quotidiens. À quel moment est-ce que ces mouvements quotidiens bien autre qu'une banalité de vie quotidienne, et bien un acte artistique. C'est dans le regard de l'autre. Et c'est intéressant, c'est la même chose un peu qui dit Racha, qu'on est en face du groupe, elle voit autour d'elle tout le monde, et eux, ils voient partout autour. Et donc, elle participe dans nos regards. Même si je regarde la personne en face de moi, je suis aussi dans ce qu'ils voient. Et c'est quelque chose là dans qu'est-ce qui rend un mouvement quotidien un acte artistique. Et vous allez sentir peut-être justement là, dans qu'est-ce que je garde, comment je suis vue, et voilà. Ensuite, on a travaillé sur le fait de marcher dans un espace assez grand, tel qu'on est parti, on s'est donné un grand carré entre Calder, la pelouse, le musée et la route, qui était bordée d'un petit muret. Et puis là, on a travaillé sur des démarches très simples, mais je n'ai pas donné tellement d'éléments. Chacun pouvait véhiculer, aller à sa guise dans cet espace. Et puis petit à petit, effectivement, on a rajouté des paramètres de regard, d'arrêt. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur le rythme. Et on s'est rendu compte que le rythme provoquait des rencontres, provoquait des chocs, provoquait des arrêts, provoquait des regards et provoquait des rencontres. Ensuite, on a fait, je passe un petit peu rapidement, on a fait cette expérience-là aussi après dans un espace extrêmement différent qui était une sorte de couloir. Et là, peut-être, ce serait bien si on arrive à voir la vidéo, ce serait... Et en fait, c'était une espèce de couloir entre le musée et la pelouse où les gens passent pour aller au parking. Hein. Et... on a essayé de garder les mêmes paramètres qui avaient été donnés dans le grand espace. Mais tout à coup, cet espace-là étant beaucoup plus petit, il était tout en longueur, comme ça, et on s'est rendu compte très vite qu'on ne pouvait pas garder nos paramètres. Par exemple, ça devenait très difficile de faire des courbes. On était dans un espace tout en longueur, étiré. C'était comme si la longueur de l'espace nous aspirait d'aller d'un côté de l'autre. On avait très travaillé dans la largeur de l'espace. De fait, les rythmes sont devenus très très difficiles à maintenir. Mais en même temps, ça a provoqué plein de choses. Des gens qui commençaient à gambader, à bouger. Là, on voit bien ce grand rectangle dans l'ombre. Et là, on a ajouté le fait que je crois que c'est moi qui donnais des tops sonores pour s'arrêter, mais chacun pouvait redémarrer comme il avait envie. Comme si, je ne sais pas, il y a une énorme explosion, tout le monde s'arrête pour l'entendre, et puis on ne sait pas quand on va redémarrer. Chacun redémarre. Donc automatiquement, ce que disait Déborah en regardant tout à l'heure, c'est que ça décortique les évidences. C'est-à-dire qu'il y a tout à coup des rencontres dont on ne peut pas échapper. Et on arrive à ce qu'on appelle l'esquive, par exemple, parce que c'est pas encore forcément évident de se toucher, de se frôler. Voilà, on arrive à l'esquive du frôlement et à du contact automatiquement. Et ceci étant provoqué au fur et à mesure par la réduction de l'espace. Donc on va voir que au fur et à mesure, je vais réduire l'espace en me mettant d'un côté. Et bien sûr, ça devient de plus en plus difficile pour eux de garder les contraintes de départ, mais automatiquement, ça déclenche autre chose. Voilà, certains, par exemple, ont trouvé le fait de ne plus pouvoir courir, commencer à sauter sur place, pouvoir regarder au-dessus, parce qu'il n'avait plus suffisamment de visibilité. Voilà, et on arrive au phénomène de la botte de sardines, c'est-à-dire là, on est du métro, c'est-à-dire qu'on arrive à un autoblocage des corps dans l'espace. Quoi. Voilà, je pense, je ne sais pas si quelqu'un qui a vécu ça veut manger là-dessus. Donc, moi, ce que je veux penser vis-à-vis de la mise en place de ce dispositif-là, justement, c'est-à-dire à la fois de réduction de l'espace physique dans lequel on pouvait déambuler, mais aussi la mise en place de contraintes vis-à-vis de la démarche, hein, c'est-à-dire qu'il fallait marcher, accélérer, s'arrêter, se contourner, mettait en avant le fait qu'une certaine façon, la manière dont j'ai ressenti ça était que on avait de plus en plus l'impression que la marche devenait une activité très tactile et très corporelle, et que d'une certaine façon, le rapport qu'on avait aux autres était plus visuel et beaucoup moins d'anticipation que dans l'évitement et dans la dernière seconde. Donc on ne pouvait plus prévoir ce qu'on allait faire. Alors que j'ai l'impression que d'une certaine façon, la marche sur un trottoir, par exemple, se prévoit largement à l'avance. Et on sait qu'on doit pouvoir éviter ou pas, et d'ailleurs, on a toujours cette situation un peu étrange quand on change de ville et qu'on ne sait pas comment les gens marchent. Et qu'on, d'un seul coup, on rentre dans des gens parce que, bah, d'une certaine façon, on ne se déplace pas toujours de la même façon d'une ville à l'autre. Et là, j'avais un peu cette sensation-là de dire, bah, on est passé de la vue au toucher, à ce moment-là. C'était l'impression que j'avais vis-à-vis. C'est ça. Daniel, coupe l'herbe sous le pied. Quoi. J'ai eu exactement la même impression que ça. Avec, je me suis dit, quand tu nous as donné l'exercice à faire, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, tu n'avais pas donné comme consigne le fait d'utiliser la largeur de la bande au départ. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on n'utilise pas le procédé qu'on utilise habituellement sur un trottoir piéton, qui est de garder sa droite. Automatiquement, on a investi l'espace, puis tu as donné les consignes supplémentaires, et effectivement, c'est le corps qui est devenu l'élément à gérer dans cet espace-là, qu'on n'a plus géré du tout d'un point de vue visuel. L'anticipation est effectivement très corporelle, très tactile. Ce qui était intéressant pour moi quand j'ai vu la vidéo, c'est à quel point vous êtes soumise à une donnée. C'est-à-dire, on pense qu'on est libre, on dit vous avez cet espace, vous marchez comme vous voulez, il était rectiligne, longue, étroite, et vous allez tous marcher de point A à point B. Et c'est comme si j'ai des mains là, il faut que je vais jusqu'au bout, et puis j'ai droit à tourner. Donc pourquoi on a ces évidences? Pourquoi si je démarre un bout, il faut que je vais jusqu'à l'autre bout et puis j'ai le droit à tourner et toujours marcher en avant et toujours marcher dans la longueur parce que l'espace est long. On est soumise à l'espace qui nous est donné. On se permet pas certaines libertés. Et ces évidences, quand on parle des évidences, c'est ce qu'en tant que danseuse, on essaie de dire, voilà, on a un espace, on pense que c'est ça qu'on va faire, c'est ça que j'ai envie de faire, mais non, je ne vais pas faire ça. Et comment je vais détourner cette évidence qui est culturelle, de ville en ville, comment on est conditionné à faire dans notre vie quotidienne. Donc, en fait, le corps, qu'on n'aurait pas pu faire, on n'aurait pas pu faire ça les yeux fermés, quoi, c'est évident, hein, parce que le corps, il va se faire mal. Donc il regarde, il a besoin de regarder, de calculer, d'anticiper, bien ou mal, des fois ça ne marche pas bien, d'éviter, il y a tout ça effectivement qui se met en route. C'est vrai qu'on a beaucoup de... C'est peut-être un truc qu'on aurait dû faire hier. On a toute une série aussi de travail qui est sur le fait qu'il y ait une personne qui ait les yeux fermés et l'autre qui serve de guide. Voilà. Ça, c'est très intéressant dans ce sens-là, parce qu'on fait appel à d'autres sens, et surtout, on se découvre soi-même dans un... dans une peur, certaines personnes n'arrivent même plus à marcher, alors qu'on la tient très ferme par le bras, cette personne ayant les yeux fermés, moi-même si je la guide, c'est possible que je sois obligée de la traîner, tellement il y a cette peur, cette appréhension terrible. Mais on perçoit les murs, on perçoit les sons, on perçoit le frôlement de ceux qui passent à côté, et c'est vraiment très intéressant. C'est intéressant aussi, comme cette contrainte vous a libéré, aussi une fois l'espace venu réduite, on est obligé à trouver un espace ailleurs. Et c'est là où vous avez cherché la verticalité. Donc cette contrainte, quand vous avez eu le grand espace, on a du mal à se trouver une créativité, une imagination. Et quand on est réduit, on est obligé à chercher ailleurs que nos habitudes. Vous êtes réduit, donc il faut que je cherche plus haut, plus bas, autour et autour des autres, à frôler des choses qu'on ne se permet pas normalement dans la ville. Voilà, donc après, on a repris des choses dans le grand espace, on est retourné dans le grand espace, je vais aller un petit peu plus vite, et on a rajouté, à un moment donné, j'ai rajouté comme consigne, on a repris dans le grand espace, mais c'était de faire des petits chemins, des chemins dans cet espace, de tracer des chemins, mais avec des angles très précis, et d'observer qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui faisait que vous tourniez plutôt à droite ou plutôt à gauche, ou que vous alliez en arrière en regardant de ce côté-là, enfin, voilà, d'être dans cette observation-là. Est-ce que c'était plutôt un petit peu comme ce qui s'est passé tout à l'heure, une lumière qui faisait que, tiens, t'avais envie d'aller là-bas, est-ce que c'était plutôt un son qui faisait que du coup tu regardais là-bas mais t'as pas envie d'y aller donc tu recules. Essayez d'observer ça. Alors c'est clair que ce qu'on a expérimenté c'est extrêmement court et qu'il faudrait en fait pratiquer ça pendant des heures en cherchant vraiment que sur ces thèmes-là pour vraiment arriver à ressentir très profondément ces choses-là et d'être vraiment dans l'observation. C'est sûr que ce qu'on a fait hier c'était vraiment un grand survol. Et ensuite j'ai rajouté le fait qu'on pouvait aussi suivre quelqu'un. Et c'est très amusant d'ailleurs parce que extérieurement ça donnait des situations rigolotes. On voudrait, en tant que chorégraphe, on voudrait les créer qu'on n'y arriverait pas, par exemple. Et on s'est retrouvé par moments avec des lignes de 3, 4, 5 personnes qui se suivaient tous les uns derrière les autres. Et tout à coup, par magie, cette ligne se défaisait et puis il y avait deux autres qui se refaisaient dans une diagonale. Voilà, il y avait vraiment des choses très magiques comme ça qui se sont faites. Ensuite, on a passé à complètement autre chose. On a travaillé, on va peut-être montrer un extrait vidéo. Il faudrait la caler à 31,56 très précisément. On a travaillé les appuis. Il y avait donc un mur qui longe la route entre le musée et la rue. Et donc, on a travaillé seul à chercher une tension du corps entre ce mur qui, à mon sens, donc pour moi un espace vertical, même s'il n'était pas très haut, celui-ci, et le sol qui est l'espace horizontal. C'est-à-dire qu'on a cette chose-là, à cet angle, comment le corps peut chercher cette espèce de tension, comme si le mur allait s'écrouler, cette espèce de tension, de soutien du mur. Et on s'est vite rendu compte que, par exemple, on cherchait beaucoup avec les mains, donc j'ai vite emmené les gens sur le fait de travailler avec des appuis, de ne plus travailler avec les mains et de chercher à ce que cette tension soit en contact avec des endroits différents du corps. Et là, c'est devenu très, très intéressant. On s'est retrouvé avec des formes de corps très sculpturales, comme ça, le long du mur. Et ensuite, donc on faisait en deux groupes pour qu'il y ait un groupe qui regarde et l'autre qui pratique. Et ensuite, je leur ai demandé, donc c'est ça que vous allez voir, la nuit commençait à tomber, donc j'espère que vous allez bien voir. Où il y avait une personne en contact avec le mur et une deuxième personne en contact avec la première personne. Hein. de même, dans ce travail-là, on ne le voit pas bien, mais certains se sont retrouvés en appui, par exemple, le visage, les mains sur le sol, les pieds sur le mur. C'est-à-dire qu'il y a un renversement des espaces. Voilà, c'est comme si vous mangez sous la table, au lieu de manger, c'est comme si j'étais sous la table, vous êtes sur la table. Voilà. Il y a un renversement des espaces. Et chaque corps aussi appréhende cet espace d'une manière complètement différente. Ouais, mais c'est pas la peine d'insister. Hein. Voilà, on a terminé après l'atelier avec, avec une improvisation qui s'est faite par entre des groupes de quatre à peu près, trois à quatre, et où j'ai demandé à chaque personne d'utiliser les outils qui avaient été recherchés, qui avaient été travaillés sur la réunion passée, essayer de les mettre, de les utiliser. Et on a utilisé ces outils dans un espace encore différent qui était toute la partie des escaliers qui est un peu en trois étages et qui mène à l'entrée du musée. Là, on avait un petit peu plus de lumière et c'était très intéressant de voir comment chacun s'est investi là-dedans parce qu'en fait, on commençait quasiment déjà à avoir des histoires qui pointaient leur nez, quoi, tout simplement. Certains sont même sont allés assez loin dans le sens où ils démarraient à quatre, donc il y avait la notion de ce groupe de quatre. Et ce quatre pouvait passer d'un duo, de deux solos, et on sentait quand même la notion de groupe. Il y avait des moments où ça s'éclatait, où ça revenait, donc il y avait une interaction vraiment très forte entre ce que pouvait donner, leur renvoyer cet espace dans la ville, enfin moi c'est ce que j'ai vu, et leur histoire à eux, à l'intérieur de cette histoire qu'on venait de vivre ensemble. Quoi. Voilà. Donc on avait déjà une petite histoire qui se tissait, et ça c'était assez positif. Quoi. Je ne sais pas si c'était clair. Mais... Donc moi je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit hier, et j'ai l'impression de constater, c'est que ça... Enfin, ce travail-là suppose une prise de conscience de son propre corps, de sa présence dans un espace, de sa relation aux autres, qui est un état de corps très particulier et qui n'est pas du tout le geste théâtral, dans le geste théâtral. Et, c'est quoi le geste théâtral ? Le geste théâtral. Alors, pour moi, geste, c'est mouvement, donc c'est vraiment... Oui. Disons que se sentir dans la représentation de soi au milieu d'un espace et d'utiliser des codes gestuels qu'on connaît. Une des choses spécifiques dans la danse contemporaine, peut-être dans tous les arts contemporains, c'était qu'on s'est beaucoup inspiré de la vie quotidienne. On n'est plus dans une grande virtuosité. Donc, on en parle de gestes théâtral. Là, on était dans j'appuie, je marche, je m'assois, tous les gestes quotidiens et en quoi est-ce qu'on peut les amener ailleurs. Quand j'ai vu la dernière improvisation que vous avez faite sur les marches, j'ai dit à un moment, en deux heures de travail de danse, vous avez arrivé à capter l'idée d'un mouvement. Si on lui donne du rythme, l'intention, une utilisation d'espace décalé de son habitude, on a tout de suite une œuvre, un travail poussé et sensible. Donc ça, en très très peu de temps. Donc ça veut dire qu'on est sorti dans la danse contemporaine d'un besoin de virtuosité pour se retomber sur une simplicité de mouvement, donc une simplicité de gestes que tout le monde est capable de faire, pour justement décaler le regard sur ce mouvement, pour dire à quel moment est-ce que ça vient un accent cible. Ouais. Mais c'est vrai que si on veut parler de ces mouvements que vous avez faits, c'est vraiment un grand travail de l'art contemporain en général. C'est casser les évidences que cette bouteille vient une œuvre, ou un marche vient un pas de danse, ou comme John Cage a dit, « Non, j'écoute pas la musique, j'ouvre ma fenêtre sur les rues de New York et ça suffit. » Donc, où est la frontière maintenant entre l'art et et ma vie. Peut-être pour continuer de rebondir justement sur cette manière de casser les évidences, et moi ce que j'ai ressenti sur la dernière chose qu'on a fait dans l'escalier, et très en lien avec ce qui s'est passé juste avant, cette manière de rajouter la contrainte supplémentaire de marcher en dessinant des courbes très marquées. Et d'une certaine façon, j'avais l'impression que l'évidence se renversait au niveau du statut des personnages et de l'espace. Et que les personnages eux-mêmes, en commençant à dessiner des lignes très marquées, puis d'un seul coup s'arrêter, changer de direction, changer de rythme, commençaient en fait à configurer des spatialités. Et alors l'espace, d'une certaine façon, on a commencé à travailler avec lui, à s'appuyer sur les murs, et lui-même devenait plutôt une ressource, un compagnon, mais il n'existait plus véritablement physiquement. Et pour peut-être rebondir sur l'intervention précédente, on pouvait ressentir le marché à plusieurs, mais cette fois-ci, cette idée de marcher à plusieurs avec le mur, qui pouvait être celui qui m'accompagne. Donc je marche avec l'espace, mais j'accompagne l'espace. Et par contre, la spatialité est dessinée par les personnes qui sont autour de moi, et par moi aussi. Je configure certainement quelque chose vis-à-vis des gens qui m'entourent. C'est-à-dire que j'avance en ayant conscience du fait que d'autres personnes peuvent barrer ma route, je suis aussi conscient du fait que je peux barrer la leur. Et donc, j'ai cette impression de retournement à ce moment-là qui me Ouais, parce que les choses vraiment commencent à vivre quand on sort de la notion d'exercice, de rapport, de matière, de choses très basiques comme ça, on sort de ça et à un moment donné, je crois que ça commence à vivre, c'est peut-être ce que tu voulais dire aussi. Et il y a des intentions et du sens qui commencent à venir petit à petit. Je voulais faire une très brève remarque qui relie à ce qui a été dit avant dans l'après-midi. On est justement dans ce passage, d'ailleurs, où vous avez dit un moment, ne cherchez pas à surjouer ou à rentrer dans des figures toutes faites, mais laissez aller les corps. Et c'était justement ces passages qu'on avait pour un certain moment, en particulier dans un espace très comprimé, où là, il n'y a plus que le corps à corps, comme dit Yann Sarizo, qui peut fonctionner, et là, on est dans l'infra-intentionnel. On n'a plus le temps d'avoir des intentions, etc. Et on est dans des rapports d'immédiateté. Et là, effectivement, on est en plein, encore dans des questions de coprésence dans les ambiances, et en prise directe avec les coprésences directes et les corps. C'est exactement ça qu'on y va. J'ai l'impression de ne pas vivre la relation à l'espace autrement que d'abord comme un premier temps d'inquiétude ou de frustration. C'est-à-dire, je fais travailler pour un théâtre, un porteur qui est en vue comme ça il n'y a pas longtemps, et j'avais la même sensation. C'est-à-dire que la présence des autres est très forte, et que finalement, il faut surtout que je ne... Comme elle est très présente, les autres sont très proches. Tout geste ou tout désir ou tout rapprochement prend un sens, et qui peut être lu dans le regard de l'autre ou dans son comportement. Donc tout le problème est dans une espèce de bonaise, malaise, mais plutôt malaise, bien temps, c'est de savoir ce que tout geste un peu libre se confronte presque avec une sorte de relation qui peut devenir agressive si je ne suis pas en phase avec le rythme de l'autre. Et cette préoccupation-là, moi, je l'ai vécue à peu près tout le premier temps de cette affaire, en ayant envie justement d'y aller, d'être libre à travers mes gestes, mais en même temps très contraint parce que dans le fond, comme si cette liberté du corps n'existait pas. En fait. Donc je ressens quelque chose d'un petit peu différent au deuxième temps par finalement la rencontre un peu brutale, c'est-à-dire dans le fond l'espace restreint, où là on est obligé de se coltiner l'autre, enfin, d'être coltiné, d'être de le cogner et de se cogner un peu. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose de l'ordre d'une rencontre un peu plus puissante et qui transgresse la règle de la politesse ou de la convenance, enfin, de la possibilité d'être en relation normale. À partir de là, j'ai l'impression qu'à partir de ce genre d'exercice, il y a plusieurs temps de régulation où on peut devenir un peu plus tranquille. Enfin, j'avais l'impression de pouvoir jouer en dernière scène, un peu plus n'importe quoi dans la montée d'escalier, parce que d'exprimer quelque chose d'assez fort, mais d'un fond qui n'est pas habité sur un... Je suis plus indexé à une signification précise de ce que je fais, parce que je suis passé par 3-4 rituels de contraintes successifs, où l'espace, pour moi, règle ce lieu. Comme l'espace de régulation. Mais je veux dire que l'espace, je l'ai appréhendé beaucoup plus comme un lieu de mise en scène capable, dans le fond, d'être témoin d'espace-temps successif par rapport auquel je peux progressivement oublier en fait, ce qui affecte mes gestes, ou mon envie, ou mon désir. Et dès que dans le fond, je peux y laisser aller un peu. Laisser aller un peu, ne plus trop penser ou penser comme ça vient. C'est-à-dire avoir ce type de problème. Mais j'ai l'impression que c'est dans le comme ça vient, j'avais l'impression là de pouvoir agir et encore dans l'espace, mais pas avant. Avant, j'ai l'impression de toute une espèce de lutte ou de rencontre. Dans cette lutte, de temps en temps, des rencontres beaucoup plus immédiates, plus agréables, des passages, des frôlements importants, mais en laissant flotter. J'ai l'impression que ça, c'est toute une progression pour déconstruire cette espèce d'interdit. C'est vrai que enfin, moi je trouve là, dans une ville, enfin, je sais pas, j'étais encore à Paris la semaine dernière, je trouve que c'est l'enfer. Quoi. Tu me rends compte, je ne pourrais plus du tout vivre. Prendre le métro, je trouve qu'on est souvent face à ce type de mise en situation comme ça du corps dans des espaces où on n'est pas forcément à l'aise, où on est extrêmement serrés les uns les autres et c'est abrupt. C'est violent, dans le sens dont vous parliez. C'est quelque chose qui est très, très typique de notre société. Quoi. Après, c'est vrai qu'il faut constamment prendre du recul. Voilà, c'est vrai que là, on est face à soi-même quand on fait ça aussi. Hein. On est avec un groupe, on est face à soi-même et à ce que notre corps nous dit, tout simplement. Par exemple, quand on faisait devant, derrière, côté, voilà, je me souviens très bien, vous ne faisiez pas côté, ni milieu, vous faisiez côté, et ça faisait boum avec le monsieur d'à côté. Et j'avais trouvé ça bien sûr très drôle, mais en même temps vraiment très intéressant, parce que justement, c'est logique. C'est logique. Moi, j'ai imposé un cadre, hein, qui est cette espèce d'aller-retour constamment, et tout à coup, le corps, il dit non, non. C'est pas possible. Moi, c'est là que je veux aller. Ça, je trouve ça super. Tout ce que je veux ressentir, surtout à chaque fois, en fait, toute règle du jeu, comme dans les cours, une contrainte, jusqu'au moment où, dans l'espace collectif, le geste de monter l'escalier un peu différent pour moi, on avait presque le droit de jouer. De scène, et comme finalement le fait de jouer avec d'autres a une possibilité beaucoup plus grande d'être soi. Le paradoxe, c'est qu'en tirant le rapport à l'autre, finalement, on peut exprimer presque de manière absurde quelque chose d'assez spontané qui renvoie à une erreur de soi, plus comme s'il n'y avait pas de compte à rendre. Alors qu'avant, j'ai l'impression d'être en train d'essayer de me défaire. C'est de laisser aller, que ça vienne après 2 heures, c'est déjà génial. C'est d'arriver, d'avoir accumulé tant de contraintes qui après nous laisser libres d'avoir quand même un petit bagage dans le corps qui s'exprime après. Que, comme j'avais dit, quand j'ai vu ce dernier impro, j'étais surpris par l'étendue de finesse, de sensibilité qui était apparue après si peu de temps de travail. Parce que c'est qu'une question de temps, d'espace et de l'intention, et voilà, on danse avec très peu de gestes. Ce qui est intéressant, c'est là, au fin de ce stage, toute l'idée d'évidence d'un espace, un escalier est un objet à monter, à descendre. Vous avez complètement éliminé cette, entre guillemets, évidence de votre démarche. Et voilà, c'est pour ça que... Ça, c'est ma faute. Cet escalier était un lieu à recréer, l'espace était recréé par votre présence. C'est vrai que c'était donné un point de départ et un point d'arrivée. Maintenant, on va rebondir sur une pièce qui s'appelle Champ de course, qu'on a faite en 2004, qui est un quatuor sur le Sacre du printemps de Stravinsky. Je vais vous montrer tout de suite l'extrait, si j'arrive à faire marcher tout ça. Il n'y a pas la musique. Oui, il n'y a pas la musique. Ça y est. Donc, la musique sort de là. Donc en fait, l'idée, c'était, on a travaillé sur le fait que cet espace, et c'est l'espace dans l'espace dont je vous parlais tout à l'heure, sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur ce thème-là. Et cette structure qui a la possibilité de, par le biais de patins, de glisser dans l'espace, hein, et de créer des espaces différents, les danseurs étant autant, travaillent autant dans la structure, donc c'est quatre couloirs comme des départs de boxe, de chevaux sur les champs de course. Et cette capacité d'en sortir, cette peur aussi, toutes les hésitations qu'ils peuvent avoir pour en sortir, l'utilisation de l'espace qui est autour de la structure, à savoir que la musique du sacre est composée de tout un tas de séquences qui peuvent être de l'ordre de 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 4 minutes, et qui se succèdent continuellement à un rythme effréné avec des changements de thème, des reprises de thème. Pendant 30 minutes, ça n'arrête pas. Donc c'était aussi sortir du thème du sacre du printemps, mais en même temps arriver aussi à faire ressentir toute cette vélocité, rapidité et puissance de cette musique. Je pense que, en ce qui me concerne, ma recherche a été vraiment guidée par le fait que j'ai démarré sur l'espace vertical. J'espère je pourrai vous montrer quelques extraits tout à l'heure. Et le fait de me retrouver dans une contrainte telle, puisque quand on est sur une perche, il faut bien sûr rester sur cette perche. Donc il y a un travail de serrage musculaire et il y a une contrainte énorme qui fait qu'on a un éventail de mouvements qui est extrêmement restreint. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur notre perche et on fait ça, on se dit « Ah, chouette, j'ai bougé hein, !» On est là. Et donc, comme c'était mon premier spectacle, à partir du moment où on dit « Ah bah tiens, je peux faire ça, et puis je peux faire ça. Et puis je peux faire doucement. » C'est-à-dire que tout à coup, on arrive à cette liberté dont tu parles. Mais voilà, pour moi, elle est dans cette contrainte. C'est comme ça. Voilà. Et je pense que ce que m'évoquait, après, c'est les propos, c'est-à-dire ce que m'évoquait le sacre du printemps, je voyais ces quatre hommes et femmes comme des bêtes sauvages, et sortir, mais en fait, on parle de quoi? On parle de rapport humain, de toutes ces peurs qu'ils ont de passer un pas, passer un seuil, passer un cap, et qui est quelque chose de la vie de nous, de tous les jours. Hein, constamment, on est face à ça. Quand j'ai fait le saut sur la perche, pendant très longtemps, j'ai souffert, parce que j'avais mal au dos, j'avais mal aux muscles, je me suis fait mal au bras, etc. Donc j'ai cherché à ne plus souffrir. Donc j'ai travaillé aussi certaines techniques au sol pour pouvoir ensuite me sentir beaucoup mieux sur la perche. Et avec les années et la pratique, parce que j'ai créé ce saut en 88, et l'ayant énormément dansé, je suis arrivée. Parce que c'est l'histoire d'un personnage qui rêve d'être seul, qui désire être seul. C'est vraiment, il va se percher, c'est comme le baron perché de Italo Calvino, il n'en peut plus de ce qui se passe sur le sol. C'est un radonien à la société, donc il va là-haut. Le problème, c'est que finalement, quand tu es là-haut, tu ne peux que redescendre. Au bout d'un moment, tu es coincé, il faut que tu redescendes, puis tu pousses ton main un peu plus loin, et puis. Donc il n'y a rien de. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut faire sur le mât chinois au cirque ou tout ça. C'était vraiment le propos qui m'a poussée à faire ça. Donc j'ai souffert longtemps parce que je n'y arrivais pas. Et j'ai cherché pendant longtemps comment on peut souffrir et d'aller vers cette liberté et ce plaisir de me retrouver là-haut sans souffrir. Voilà. Et j'y suis arrivée, bien heureusement. Là, ce qu'on a, c'est. Le premier extrait que vous avez vu de chant en cours, c'était des mouvements dans la structure. Là, ce qu'on a, c'est les mêmes mouvements faits entre nous, dans un cercle serré, et puis écartés, c'est des trois fois les mêmes mouvements, ou non, deux fois les mêmes mouvements, dans des espaces différents, comme vous avez fait dans l'atelier, pour continuer les pièces. Hein. Oui, mais c'est aussi, justement, ça répond aussi un petit peu à ce qu'on a dit, c'est vrai que ce que vous avez peut-être pas très bien vu au début, ces mouvements très, très saccadés, très staccato dans la structure, qu'est-ce qu'ils deviennent tout à coup quand on est dans la structure et que le corps il se libère complètement. Il y a des parties, notamment dans le champ de course, où il y a des sorties dans la diagonale ou autour de la structure qui sont justement des grands élans comme ça. Et on sent tout ce plaisir, cette envie, ce bonheur de sortir. Mais finalement, souvent, je reviens au fait qu'on n'a pas trop le choix. Il y a un moment où il faut y retourner, quoi. On n'a pas le choix. Quoi. Et c'est cet équilibre là qui m'intéresse. C'est cet aller et retour entre. Voilà, donc là, on avait ces mouvements qui s'est fait serré entre nous, avec un régal entre nous, dans toute l'intention qu'on peut se mettre dans ces mêmes mouvements. Après, l'ouvre vers le public, et au début du spectacle, on avait fait ces mêmes mouvements, coincés dans nos structures, donc réduit comment le corps réagit à ces mouvements serrés, qui doivent être très grands, des mouvements très grands, isolés en soi-même dans la structure. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions La fin du spectacle, c'est l'inverse du début. Au début, on était coincé dans la structure et puis après, on a libéré dans l'espace. Maintenant, on va prendre des mouvements qui étaient des grands mouvements dans l'espace et on va les amener au milieu dans la structure. La structure étant ouverte, les portes se retrouvant à l'arrière de la scène, alors qu'au début, les portes sont en avant. Et elles vont même s'ouvrir toutes seules, il n'y a plus besoin que les danseurs les ouvrent eux-mêmes, ça va être magique. Et on sent cette ouverture de cet espace qui a été créé par la structure, on la sent par ce côté-là, là, qui va vers le public. Et puis le mouvement qui s'accélère bien sûr avec la musique. Donc l'utilisation de l'espace dans notre danse, dans la plupart des danses contemporaines, c'est on va dire presque la moitié du spectacle. C'est plus que les mouvements. Le mouvement en soi, c'est pas ce qui porte le spectacle aujourd'hui, c'est son mise en espace. Donc l'autre travail de Sylvie, là, elle a beaucoup utilisé l'espace réduit. Elle aussi travaille beaucoup dans la verticalité, c'est une de ses spécificités. Donc elle travaille sur l'auteur, la hauteur, voilà, vous avez compris. Et voilà, donc on utilise beaucoup l'espace horizontal au sol, l'espace enfermé et l'espace en hauteur que vous allez voir dans Planète 26, l'avant-dernier spectacle de Sylvie Guillemin qui était créé avec une compagnie du cirque, Arcaus. Mélange des danseurs et des circassiens dans une discipline qui est plus connue au cirque que dans la danse, donc la verticalité. Et dans cette pièce-là, on a peu de danse spécifiquement virtuose. On travaille énormément sur les gestes quotidiens, la marche que vous allez voir au début, comment on traite la marche dans une manière différente en utilisant ce sens des niveaux différents dans l'espace. La difficulté, ce spectacle, on a créé à deux, on a créé en mettant en scène avec moi, et huit interprètes. C'est vrai que la difficulté, pour moi, ce que j'ai découvert, en tout cas, sur ce train, vous allez voir là, c'est en fait, cette structure monte à 5 mètres, il y a 26 perches qui forment une sorte de cage, voilà, comme vous pouvez commencer à le voir, et je me suis retrouvée à avoir une multitude de possibilités d'entrée, de sortie, d'espace, de jeu. Quand je me mettais dans la structure, soit pour travailler avec eux, soit pour remplacer quelqu'un, par exemple, parce que quand on est dans cette pièce, et par exemple on est en haut de la structure à 5 mètres côté jardin, nous ne serons absolument pas compte de ce qui se passe au milieu de la structure et en bas, au fond, à l'avant-scène. C'était un petit peu comme jouer au chien et la souris, quoi. Vraiment, voilà. Donc c'est une pièce qui est très difficile à jouer, je trouve, pour les bras et dedans, elle vous en parlera peut-être. Mais je trouve qu'elle est difficile à jouer, elle était très difficile à faire, et notamment de par cette complexité de l'espace qu'offrait cette cage. Les artistes ne sortant jamais du plateau, et arrivant par l'arrière fond de scène du jardin, par un système de ils pouvaient monter à l'arrière de la structure, ça ne se voyait pas, hein. Ils arrivaient par le haut, par le fond de scène, hein. Donc au départ ils étaient positionnés déjà dans l'espace, tous, pas tous, mais donc et c'était pas, c'était placé comme un îlot. C'est-à-dire qu'on a fait cette création ici dans un chapiteau, à la Seine-sur-Mer. On a prévu ce spectacle pour être joué frontalement ou avec l'arrondi du chapiteau. Et en fait, elle fonctionne surtout très bien avec l'arrondi du chapiteau. Et c'est vrai que, ça, par exemple, on peut voir cette pièce plusieurs fois, en tout cas moins trois fois, une fois de face, une fois de cou, une fois du côté jardin, quand on est sous chapiteau. Et à chaque fois, on a une vision différente de cette pièce. Rien que pour marcher en haut à 5 mètres sur le tube, on a passé des heures à déjà ne plus avoir peur. Il y avait des danseurs qui avaient peur, il y avait aussi des circassiens qui avaient peur. C'était très très mélangé. Et après, quand on n'a pas peur, il faut rester extrêmement vigilant. C'est-à-dire tout le temps extrêmement concentré sur ce qu'on a à faire. Sinon, il y a la chute. Quoi. Il y a rien sous. Au sol, on avait des tapis, un sol, voilà, des tapis qui amortit les chocs, quoi. Enfin, à 5 mètres, il y a une prise de risque qui est liée aussi à cette histoire qu'on a très peu en danse, rarement en danse, mais qui du coup a été très forte dans cette histoire-là, parce que au cirque, il y a tout le temps la notion de risque. Dans le travail vertical, sur les perches, il y a cette notion-là. Et de fait aussi, ça crée un sentiment, enfin, ça crée une vraie entraide entre les artistes. Donc souvent, danse contemporaine, enfin souvent, en danse contemporaine, il n'y a pas forcément ça. C'est plus individualiste comme rapport, même si ça, c'est fort. Mais... Et j'ai trouvé que ça, pour ça, c'était vraiment très intéressant. Voilà, donc, Là, on n'entend pas, mais... Quelle est la musique ? Enfin, est-ce que le choix de la musique Il se trouve que c'est le... J'ai fait deux pièces l'une après l'autre. Donc la première s'appelle Jusque dans le sourire, c'est la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sur le thème de l'enfermement carcéral, et qui est un duo dans une cave. Et en parallèle, j'avais parlé de 26 sur le feu avec donc Archaos. Et quatre artistes de cirque de chez eux et quatre danseurs de la compagnie sur la même thème. Mais on a travaillé sur des nourritures de livres un petit peu différentes, mais c'était le thème de l'enfermement. Et de fait aussi, j'ai travaillé avec le même compositeur, où on a travaillé sur des sons métalliques et des choses qui étaient vraiment en lien avec. Je vais peut-être poser une question très naïve. Mais est-ce qu'il y a des sons qui ont pu déranger le travail des danseurs, l'attention par exemple des danseurs, les sons liés avec à la musique choisie? Dans cette pièce non, parce que c'est en danse rarement sur la musique, c'était plutôt l'ambiance qui était créée, une ambiance qui était très dure, qui était très métallique, liée avec la difficulté du thème de ce spectacle, qui était le thème de l'enfermement. Comme j'avais dit avant, Sylvie traite souvent ce thème, mais celui-là, c'était vraiment l'image de prison, d'être enfermé, d'être en difficulté. Donc, c'est une musique qui était difficile, qui n'était pas agréable comme musique, comme sonorité, qui dérangeait le public, mais parce qu'on voulait cet dérangement. C'était nécessaire pour ce spectacle. Donc là, il y a quand même beaucoup de sons, effectivement très rappeux, tout ça, mais c'est pas tout le monde comme ça dans la pièce. Et c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur ce type de son. J'avais l'image de ces sons métalliques, hein, des petites cuillères sur les barreaux. Hein. Et pour ce spectacle, on s'est beaucoup, enfin, on s'est nourri notamment du livre de Tard Benjamin qui s'appelle Cet aveuglant absence de lumière. sur une prison à Maroc, mais j'en ai enfin, mais sous le thème, on n'était pas sous le thème, mais cette dans idée, le noir, dans le noir complet, dans le désespoir complet. Et cette pièce, ou ce mélange avec le cirque, était intéressant pour nous dans le fait que, qu'on devait prendre, c'est quand même un spectacle de danse, malgré que la technique utilisée est celui du cirque. Et les circassiens devaient habituer à cette idée de, d'utiliser la virtuosité acrobatique, pas pour enfin en soi, mais comme quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire pour faire avancer l'histoire. Et ils avaient beaucoup de mal à se dire de pas dans un sens démonstratif. Oui, de quitter les démonstrations et que cette acrobatie et virtuosité allaient dans un sens de faire avancer l'histoire qu'on voulait dire, l'intention qu'on était dedans. Donc, en fait, le premier passage que vous avez vu s'appelle le rituel numéro 1, c'est-à-dire que tous les personnages sont. Cette espèce de danse comme ça, un rituel sur le haut, la cage. Et là, on avait envie de vous montrer le rituel 2, il n'y en a que deux, en lien avec le sol et plus en lien aussi avec ce thème de la marche. Dans les mêmes jeux qu'on parle de changer d'espace, on crée des mouvements sur les structures qu'après on essaie de faire par terre, ce qui surprenait énormément les circassiens, ou l'inverse, on crée des danses par terre et on voyait comment on pouvait les mettre sur les perches, ce qui était techniquement très difficile. C'est très important qu'on vous montre la fin parce que les personnages j'avais rencontré un monsieur qui était éducateur dans une maison d'arrêt et qui m'avait raconté que par exemple il recevait beaucoup de jeunes dans cette prison qui faisaient des peines très très courtes et un mois, trois mois, six mois ça pouvait aller jusqu'à un an, deux ans. Et qu'en fait, ces jeunes prenaient des repères dans ces lieux, même si l'espace, par exemple, la pièce de vie, le baby-foot était complètement pété, qui c'était vraiment pas génial comme ambiance, et que souvent, quand ils se retrouvaient à l'extérieur, ils avaient cette perte de repères qui faisait que des fois, ils cherchaient forcément à y retourner. C'est aussi des gens qui n'avaient que ça, hein, plus de famille, rien à l'extérieur qui pouvait les retenir, comme finalement ce qu'ils avaient pu vivre émotionnellement ces deux mois ou ces trois mois dans la prison. Là, ça m'avait époustouflé. Et donc, dans la pièce, on a travaillé sur le fait que ces huit personnages, ces huit entités, mais bon, c'est quand même un groupe très fort, finissent par s'enfermer eux-mêmes, hein, un petit peu comme. Comme l'araignée dans sa toile. Et donc, on arrive. Il y a des scènes que vous avez vues là où il y a des espèces de déambulations dans l'espace qui sont là assez hasardeux, on court, on cogne contre une perche spécifique. Ces scènes-là étaient créées. Ces scènes-là étaient créées dans la même manière que vous avez improvisé sur les marches l'autre jour. on a passé des journées complètes à marcher dans l'espace, à chercher. Et ce que vous voyez sur le film, c'est à peu près fixé à quelques centimètres près. Donc les marches qui se créent en improvisation, mais des journées et des journées d'improvisation à travailler sur ce qui à côté de moi marche rapidement, j'ai envie de marcher lentement ou suivre dans son rapidité, contrarier sa rapidité, aller à l'encontre, aller avec. Tout ça, c'est des impros dans la même manière que vous avez fait dans votre atelier hier devant le musée. Oui, on a travaillé dans l'espace parce que le cage, c'est vraiment une cage de lion comme on trouve dans les cirques, mais ça se crée aussi des couloirs qu'on a mis face aux structures, ça fait des couloirs vers le public, des avancées vers le public, des reculades, des diagonales créées par l'espace dans les barreaux. Et encore, comme dans Champ Course, je suis dedans, je suis à l'extérieur. Pourquoi chaque fois que je passe les barrières, pourquoi je le passe? Pourquoi je ne peux pas sortir, pourquoi je dois rentrer, où je veux sortir. Tout ça, c'était des thèmes qu'on a traités dans ça, qui étaient créés énormément sur l'improvisation. Tout le jeu de ce qui peut se passer, comme on le voit là, entre Déborah et Rémi sur ce duo, quoi, de rapport, tout ce jeu de rapport humain qui peut se passer à un moment donné dans cette histoire-là, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas une pièce extrêmement cool, mais c'est pas une pièce violente. Parce que vous allez voir à la fin, on choisit presque de rester dedans. On a le choix, mais on reste dedans pour une raison qu'on ne dit pas ou qu'on ne sait pas nous-mêmes. Dans cette idée d'enfermement dans l'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette peur de retourner vers l'extérieur, cette peur de... Et finalement aussi la sensation réelle d'être finalement très bien à l'intérieur de ça. Oui, c'est cette fameuse liberté dans les contraintes, poussée à l'extrême. En prison, peut-être on est mieux, on ressent la société, l'entraide, même la liberté, dans cette société qu'on a créée, au lieu de ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Ah, on est là. Alors là, en accéléré, il commence, il y en a quelques-uns qui commencent à tisser les toiles. Ah, oui, ça, c'est bien. Et ça, c'est été la partie terriblement difficile à mettre en place. Puisque. Vous imaginez bien quand on commence à faire une échelle, et puis une deuxième, une troisième, et si ça ne fonctionne pas, il faut tout redéfaire et tout recommencer. Donc on a mis un certain temps à s'enfermer. Avec certains qui refusent, d'autres qui sont déjà engagés dans cette histoire-là depuis un moment, qui ont déjà depuis un moment commencé à tisser quelques échelles. D'autres qui restent encore un petit peu en dehors parce qu'ils ne sont pas complètement encore partis dans cette histoire-là. Mais au bout du compte, finalement, tout le monde va s'y mettre. J'appuie très fort sur le bouton pour que ça s'accélère. Ça va pas tarder à... Dans le travail, ce qui est aussi très présent, il y a les structures, mais aussi l'accessoire. On a beaucoup travaillé dans la compagnie sur les objets, comment on les utilisait et comment on les détournait de leur utilisation habituelle. Quand on a eu l'idée, par les circassiens, l'idée du tissu qui est une discipline du cirque, que ça serait sympa d'utiliser cet accessoire dans ce spectacle, on était beaucoup à dire non, c'est pas possible, on va pas ajouter un grand drap blanc pour quitter la prison. C'était un petit peu caricaturiel, cliché, de prison, on va sauter le drap, faire des nœuds et sauter de la fenêtre. Mais on a quand même essayé parce que les circassiens voulaient bien et on a amené ça, on espère bien, dans une image complètement décalée. Ça nous a surpris nous-mêmes. C'est ça un petit peu dans la création contemporaine en danse. d'utilisation d'impro qu'on se prend nous-mêmes de quand on décide que le fin que le spectacle prend, le fond qui prend le spectacle, des fois nous échappe. Oui, puis c'était travailler sur le détournement des agrès, hein, puisque moi j'étais allée naturellement. J'étais allée naturellement, puisque je ne viens pas du cirque, sur ce travail vertical. Là, c'était vraiment intéressant. Ouais, donc là, tout n'est pas encore complètement fermé, mais ça prend presque un quart d'heure, je crois. Ben là, on est déjà... 10 à 15 minutes, là, c'est quoi, mais... Ça, c'est épuisant à faire, complètement épuisant. Et puis tout à coup, le corps, il n'est plus sur les perches dures, il utilise le drap. Hein, pour monter, pour descendre, on a cherché plein de manières. Et c'était très intéressant de voir aussi ce que le drap provoquait sur le mouvement du corps. Et puis, j'allais voir au fur et à mesure de la séquence, comment, qu'est-ce que ça amenait au niveau de la gesture. On a cherché longtemps un système pour que ça ne prenne pas une demi-heure, parce qu'au départ on était une demi-heure ferme enfermement, et on a les circassiens ont trouvé un système dans, de préparer des échelles qui puissent être descendues, je ne sais pas si vous avez vu au départ, directement avec les pieds, ça descendait, ça construisait des échelles qui étaient aussi beaucoup plus solides, dont on se sert pour monter plus rapidement. En revanche, les échelles que l'on crée en passant d'une perche à une autre et en tirant dessus comme ça, celles-ci sont beaucoup plus molle et plus difficile à faire parce qu'il faut passer entre deux échelles qui sont déjà solides, on va dire, faites. C'est beaucoup plus long à faire. Et donc, c'est cela dont ils se servent sur le dernier passage-là pour ce qu'on appelait le dégoulinage des corps. Voilà. Il faut être très prudent parce qu'on peut se bloquer aussi sur mal, mais ça, c'était très intéressant aussi. Voilà, je ne vous montre pas la fin parce que je suis obligée de venir dans la pièce. Alors, mois de février, aux hivernales d'Avignon. Est-ce que le spectacle est écrit, est-ce que vous le faites de mémoire? Est-ce qu'il y a une écriture comme une partition de musique, une écriture de... On écrit en le faisant. On n'est pas donné une partition au début, il n'y a rien écrit avant, il y a une idée et puis on va chercher, on a improvisation. Après, ça reste très fixe, avec des moments dits de liberté, mais très encadrés. Ça veut dire que je sais que je dois aller de là à là, peut-être comment je vais, va pas être dit exactement, mais je sais dans combien de temps j'ai allé de tel point à tel point, et dans quelle intention, et dans quel style. Voilà. Mais c'est très écrit maintenant. Même les petites déambulations qui ont l'air d'être inventées sur le moment sont très très écrites. Ouais. On montre un dernier extrait, sauf qu'il faut en fait, c'est ça qui est d'aller jusqu'au. Dernier extrait qu'on va vous montrer, c'est sur donc la deuxième pièce dont je vous ai parlé sur l'enfermement. je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle Les récits de la Colima de M. Chalamov, qui a vécu 18 ans dans les Goulags. C'est un livre écrit en prose, mais d'une manière extrêmement poétique. Et quand j'ai lu ce livre et que j'avais envie de travailler sur l'enfermement, j'avais autrefois visité, vu des spectacles dans un lieu à Grenoble qui s'appelle Le Petit 38 chez Chantal Morel, qui est un espace de création théâtrale. Et j'ai tout de suite vu cette pièce dans ce lieu. La donne est complètement différente de Paris 26, c'est-à-dire que là, on enferme les gens avec nous dans le lieu pendant 50 minutes que dure la pièce, donc s'ils veulent sortir, ils veulent sortir. Hein, c'est pas... et donc, tu peux continuer. On devenait vraiment très bon là. Si c'est... Non, c'est parce que tu l'avais lu, c'était vraiment très bon. Ah, d'accord. Ah. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce lieu, en fait, donc, on a joué pendant. La première fois qu'on a fait la création de ce spectacle, on a joué pendant 5 semaines d'affilée, ce qui est assez exceptionnel pour un spectacle de danse. Et il y avait donc 20 spectateurs par soir dans la salle. Donc là où est placée la caméra, pour que vous soyez informés, c'est là où sont les spectateurs. Ils sont assis, ils sont très proches, bien sûr, il y a une proximité des corps des danseurs et des spectateurs, mais en revanche, on ne les touche pas, on ne leur demande rien, ils sont le regard du spectacle. Hein, ils sont vraiment. Voilà. Et là, on est vraiment sur deux personnages qui vivent leur enfermement avec des pointes, des moments extrêmement difficiles, des moments de travail, des moments où ils essaient de soutenir les autres, des moments où ils ne se supportent plus, et des moments où ils se soutiennent. Et ça termine sur Chalamov étant... il dirait ayant été sauvé par ses écrits, par le fait qu'il était écrivain, poète, et qu'il a pu écrire tout le temps de sa détention, parce qu'il s'en est sorti de 18 ans de Goulag, c'est complètement exceptionnel. J'ai voulu surtout faire retranscrire le fait qu'il y avait toujours de l'espoir et que ça c'était aussi plein de vie. Quoi. Du début à la fin c'était plein de vie. On avait aussi passé beaucoup de temps à écrire sur ce panneau que vous voyez sur la gauche, qui est un panneau de bois. Et on avait écrit beaucoup de textes de Chalamov, des phrases, des mots, qui nous ont beaucoup guidés tout au long de la création. On retrouve donc Smaïn qui est perché là-haut sur ce que j'appelle les chalines. Hein, c'était le système sur lequel il dormait. Alors je me suis inspirée, mais en même temps, je m'en suis détachée aussi à un moment donné, puisque je ne voulais pas être dans une transcription latérale du livre, c'était pas du tout intéressant, et puis c'était pas ce que je voulais. Mais c'était comment faire ressentir des émotions que j'avais pu avoir à la lecture de ce livre. Quoi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on partait de l'idée du mâche, le mâche qui nous amène dans le monde. C'est le mâche, c'est comme le bébé qui a la main qui prend, le mâche nous amène dans le monde. Et nous, dans le danse, le mâche nous a libérés des contraintes virtuoses. Et après, nous, on traite maintenant dans ces pièces justement l'inverse. Avec les mouvements quotidiens, on les amène dans l'enfermement et l'utilisation d'espace. Parce que c'est ces deux choses-là qui créent le danse aujourd'hui. Les temps, donc le rythme donné par la mâche et l'espace. Avec ces deux, comme disait le monsieur avant, le temps et l'espace, c'est ce qui dirige tout ce qui est le danse aujourd'hui. Et cet espace-là est très spécifique, pas le côté bas. C'est un lieu qui est très inhabituel, pas seulement parce que c'est petit, mais aussi parce que c'est un plafond très bas, qui vient très important dans l'utilisation de cet espace. Moi, je me demandais si ça existe un travail particulier avec le sol. Ah bah oui. Je demandais d'éliminer la j'imagine que ça. Travailler le sol, ça amène beaucoup de travail sur la fluidité du mouvement, le sol, c'est comme un partenaire. Quand tu vas danser avec quelqu'un, c'est comment, quelle est la qualité de ton mouvement en rapport avec l'autre, comment tu vas le toucher, comment tu vas y aller, comment tu vas le porter. C'est tout ça qu'on travaille en lien avec le sol. Seul avec le sol, et puis le sol n'étant pas considéré uniquement comme une surface plane, mais comme un réel partenaire. Et qu'est-ce qu'on met sur nos pieds est très important par la manière qu'on danse. Ça veut dire que beaucoup on avait dansé avec des chaussures qu'on achète dans des chaussures de ville véritablement. On danse beaucoup pieds nus, on danse dans les chaussures dites de danse. Et on danse en chaussettes, des manières différentes qui nous donnent un autre contact avec le sol et qui changent complètement la manière que le pied se met en contact avec le sol et qui changent notre manière de danser. On parle beaucoup dans le danse moderne, on parle de comment je suis en rapport avec le sol, qu'est-ce que c'est le poids de mon corps. Ceux qui ont fait l'atelier ont beaucoup travaillé au début du corps, le passage du poids d'un pied à l'autre. C'est une des bases de la geste moderne. Où avant, l'idée de danse était quelque chose qui vous sortait du sol en légèreté. Après un moment, on commençait à accepter qu'est-ce qui se passe avec notre corps qui touche le sol. Et comment, pas comme une contrainte, pas comme quelque chose qu'on veut éviter, mais comme quelque chose qu'on veut aller dedans. C'est vrai que ça peut paraître fou d'en arriver, mais voilà, c'est, je trouve ça vachement intéressant. On est dans un petit espace, enfin moi qui vient de plein de techniques de danse différentes où on cherchait à sauter, à prendre l'espace, tout ça. Et de me voir attacher un poteau dans une cave, quand même, je pense qu'il y a vraiment. C'est vrai que c'est presque hallucinant. C'est hallucinant, ouais. Et c'est vrai que c'était vraiment. Pour moi, ce moment-là, je l'avais dans la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais dans la tête au moment des. C'était clair. Et puis, je suis allée au bout. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, mais je m'en foutais. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment. Parce qu'il y a plein de moments où on se nourrit avec plein de choses, mais après, à partir du moment où on rentre dans l'espace pour créer, souvent, en tout cas en ce qui me concerne, je pose tout ça de côté et puis je me plonge dans le faire. Voilà. Mais on a été nourri par ces 1 an, 2 ans de réflexion, de lecture, de vision de film, de tas de choses. Et ils m'ont fait des petits dessins, et voilà, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. En tout cas, pour ce qui est de cette séquence-là, par exemple, pour moi, c'était tous les mots que Chalamov passait du temps à écrire sur les murs. C'était comme si j'essayais d'extraire ces mots de ces murs de prisonniers. Et que ces mots, bon, sur la bande-son, à ce moment-là, on entend certains des mots que l'on dit sur la bande-son. Et la danse attachée, c'était vraiment. Je pense qu'avec du recul, pour moi, ça signifiait le fait que tous les jours, il fallait qu'ils aillent bosser comme des malades à moins 50. Bon, maintenant, on a la chance, on n'est pas à moins 50. Hein. En plus, il y a vraiment cette distance qu'il faut avoir, qui est nécessaire. Mais. On y arrive à 9h40. Ouais, ça y est. Donc là, on arrive sur la fin du spectacle où s'est passé différentes rencontres, différents solos. Et en quoi cette problématique de penser l'enfermement, ça permet de penser l'espace justement nous-mêmes ? Permet de penser l'espace. Est-ce que ça permet de le penser ? En quoi ça le permet ou est-ce que ça ne permet pas ? Bah, là, en l'occurrence, les deux personnages, ils pensent qu'il y a une chose, c'est à sortir de là. Donc il y a cette fenêtre qui est là et qui donne qui donne en contraste cette mesure de cet extérieur qui est énorme. Qui est la vie, qui est cette chance d'être à l'extérieur, et c'est terrifiante vie qu'ils ont à l'intérieur. C'est le sentir avant tout. Ben c'est cette mise en contraste, oui, si vous voulez. Ouais. Mais en même temps, ça montre aussi toute la richesse de l'être humain. Qui peut aussi à l'intérieur se secourir, s'entraider, voilà. Déploiement en fait d'activité qui permet. Parce que c'est vrai qu'on vit quand même des choses extrêmement violentes, c'est difficile de. sauter de danse des scènes habituelles, des scènes à l'italienne, était c'est quelque chose qu'on fait depuis un moment, même pas que ces dernières années, mais depuis longtemps, le sauter de danse dans la rue, dans la nature, dans l'eau, toutes les possibilités qu'on a trouvées pour sauter de danse de son, entre guillemets, encore cette mot évidence d'une scène frontale, simple, où le public est assis confortablement et qui reçoit quelque chose. Tout ce questionnement de l'espace, c'est quelque chose qui a porté la danse contemporaine, pas que la danse, mais le théâtre et j'imagine les autres choses, très très loin dans la création ces dernières années. Et qu'est-ce que ça nous provoque d'être dans un lieu justement comme celui-là, où il y a un angle à l'envers, ou d'avoir un plafond basse, qu'est-ce que ça nous provoque au niveau de la gestuelle, qu'est-ce que ça nous amène à faire différemment qu'on aurait fait dans une salle habituelle, et ou quand je vais courir 10 pas, je cogne contre le mur. On est assez loin de ce qu'on peut faire nous sur la question de l'espace urbain, en tout cas a priori, et en même temps on se rend compte qu'il y a des points de convergence sur quand nous on travaille par exemple ce qui dans l'espace public urbain peut être une prise pour un déplacement, en tout cas pour faire un acte dans un espace public urbain, ou à l'inverse, en quoi une ambiance particulière ou un aménagement peut devenir rapidement une contrainte pour agir de telle ou telle manière. Je trouve qu'on retrouve un petit peu dans ce que nous montrez depuis le début, cette thématique, cette dialectique entre quelque part effectivement, des prises, des contraintes, et puis des ressources, des compétences qu'on a pour développer tout ça, pour jouer avec nous. Oui, puis en quoi la contrainte, finalement, de la source du fait. Exactement. Tout ça, il y a tout ça. Alors, l'idée, c'est peut-être de travailler, en tout cas, nous, à notre niveau, sur, effectivement, quel est le langage corporel que ça nous demande d'actualiser. Voilà, pour nous, dans un espace public urbain, quand on travaille sur les questions de marche, par exemple. L'atelier d'hier, c'était ça. Dans l'atelier, on va poser la question de la barrière, ce que nous, traditionnellement, on appelle une barrière architecturale ou aménagée, quelque part, sur l'exercice de la montée d'escalier, ça disparaissait. Excuse-moi, c'est l'extrait que je voulais montrer. Alors, en fait, c'est le début de la fin de cette pièce, et pour moi, c'est un embarquement, ils décident de s'embarquer tous les deux, et on va vers une violence où il y en a un qui va quasiment essayer d'éliminer l'autre. Et en fait, il ne le fait pas, et puis ils finissent par un élan de vie comme ça, et ils terminent vers la fenêtre. En fait. Il y en a un qui entraîne et qui emmène l'autre vers la fenêtre. Et là, l'espace réduit encore plus en plus. Les repères qui se rangent. Vous cherchez la verticalité parce qu'il n'y a plus d'espace pour s'étaler. Voilà. Merci. Sylvie, si tu as éventuellement des spectacles à annoncer, profite des gens qui sont encore dans la salle pour nous dire ce que tu présages de faire. On va jouer à Albertville, c'est peut-être un petit peu moins la pièce qu'on a faite cette année au MC2. Alors justement, là, l'espace, c'est grand plateau, c'est. Il n'y a plus du tout cette notion d'enfermement, mais vous la retrouvez quand même peut-être un petit peu, mais très différemment. Non, on a une création dans un lieu justement qui s'appelle Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est à côté de Tulin, de Saint-Martin, où justement, autrefois, il y avait je crois, 7 à 8 hôpitaux, donc c'est vraiment le lieu de l'enfermement, il y a une abbaye énorme, très moyenâgeuse, c'est très beau. Et là, on va faire une création moi-même, le 17 mai, et ça s'appelle « Nous ne sommes pas des oiseaux ». Et plus au sud, plus au sud, nous jouons à Avignon, ou à l'Opéra, la pièce que vous avez vue avec les mâts, parallèle 26, le 15 février. Oui, il faut aller sur le site de la compagnie. C'est CIE, comme compagnie, CIE, très guillermin.com. Voilà. Voilà, quant à moi, je remercie encore les intervenants. Merci Samuel Borgreuil d'être venu jusqu'à nous. Et je vous donne rendez-vous le 15 janvier 2008 pour la dernière séance du séminaire Marché en ville qui portera sur les outils d'observation et d'analyse de la marche. Voilà. Et merci aux personnes qui sont là depuis le début. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci.